بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اليوم سندخل في الحديث 28 qui est le 28e hadith qui lui se rapporte principalement au fait de donner des exhortations que ceci soit éloquente touchant également au point de l'obéissance envers les gouverneurs et de la mise en garde contre les innovations. Qui est le hadith, le fameux hadith de l'Irbad ibn Sariya. Naam. Donc le cheikh commence en disant. Quand l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala. Là, à la base, le cheikh donne une version du hadith qui diffère de celle qui est connue dans le matn. Et moi, inshallah, je vais lire celle du matn, inshallah. Donc il dit. Là, on va passer le sanad d'aujourd'hui, car le sanad que le cheikh cité n'est pas la version de donné la version de l'imam Abu Daoud et le hadith a été également apporté par Tirmidhi ou par Ahmed. Donc il dit An Abi Najih al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu'idatan wajalat minha al-qulub وظرفت منها العيون فكنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين غدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حسن صحيح. Donc la traduction serait selon Irbad ibn Sariya que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté d'une exhortation éloquente et forte. Donc, nous dîmes, Ya Rasulullah, on dirait une exhortation d'adieu. Alors, que nous recommandes-tu? À quoi nous exhortes-tu? Il dit, je vous exhorte à la piété, à la taqwa, et à l'écoute, ainsi qu'à l'obéissance. Quand bien même venait à ce qu'un serviteur, un esclave, que vous soyez sous l'autorité d'un esclave. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences, beaucoup de discordes. Alors accrochez-vous à ma sunna, ainsi qu'à celle des califes, bien guidés et droits. Et accrochez-vous-y, ou mordez-y avec les molaires. Et prenez garde aux choses nouvelles, car toute innovation est égarement. Non, toute innovation est également. A savoir que cette mu'ida, cette exhortation, comme cela est venu dans d'autres hadiths, eut lieu après Salat al-Subh. Hein, après Salat al-Subh, après la Salat du Fajr. Donc il dit, Qawluhu wa'azana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu'izatan balighatan yadullu ala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana ya'idhuhum. قال تعالى له وعذهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا وقال ويعذكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين فالوعظ من وظيفة الأنبياء وفي مدح البلاغة في الحق البلاغة في كلام محمودة التي بغير تكلف أو ما يبطل حق أو يحق باطلا ما يبطل حقا. Donc il dit dans sa parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés. Cela démontre que cela faisait partie de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il exhortait ses compagnons. Sermonner. On peut dire sermon, on peut dire exhortation, on peut dire recommandation, mais mu'idha, souvent c'est un terme de inzar, d'avertissement et de faire peur à l'interlocuteur. Hein? Pour le motiver, en le faisant venir entre eux deux poids deux mesures, c'est-à-dire l'inciter et l'encourager aux bonnes actions et en même temps l'avertir des mauvaises conséquences. Hein? Lui faire peur également, avec éloquence. Non. Donc il dit, Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, il dit, exhorte-les et dis-leur en eux-mêmes une parole éloquente. Et également il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens, que Allah vous exhorte à ne plus jamais recommencer, si vous êtes croyant. Donc le mot Ida fait partie de la fonction des prophètes. Hein? Tous les prophètes faisaient des mu'idha à leurs suiveurs. Et également, cela montre le mérite du balara. Le balara, ce qu'on traduit par l'éloquence dans le parler. L'éloquence dans le parler. Hein, que le balara, lorsqu'il est employé pour la vérité, que le balara dans le parler est une chose louable. Et là, on parle du balara, celui qui n'est pas, qui est sans se forcer, c'est-à-dire des gens, des fois, ont du balara, mais ils se forcent, ce n'est pas naturel. D'accord? Ils se forcent. Et également, un balara qui est utilisé à clarifier la vérité et non à sauver le faux. Car des gens également utilisent le balara, par exemple, pour propager leur fausseté, afin de séduire les gens avec leurs paroles. Inna min al-bayan la sihara, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que certes, parmi l'éloquence, il y a de la sorcellerie. Donc les belles paroles peuvent amener à envoûter les gens. Dans le beau parler, il y a en cela une séduction et qui attire l'oreille, qui peut engrainer les gens. Qoluhu zarafat minha al-uyun wa wajalat minha al-qulub. Donc il dit sa parole que les yeux se mirent à pleurer et que les cœurs se mirent à vibrer. On dira comme ça. Hadhihi al-mu'izatu allati wa'azahum athrat fihim wa kanat maw'izuhu tu'athiru fihim wa hiya tu'athiru fi kulli mu'min. Wa qad qala rabbuna وَمَا تُغْنِي الْآيَةُ وَالنُّذُورُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ. Donc il dit que cette exhortation, cette mu'idha, hein, les a influencés, a eu effet sur eux. Comme tel était le cas de toutes ces mu'idha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait, cela avait de l'influence et de l'impact sur les gens, bien entendu. Et surtout sur tout croyant. Hein, la mu'idha a un effet sur tout croyant. كَمَا قَالَ تَعَالَى. Dans le sens, il dit que les versets et que les avertissements n'ont aucun effet sur un peuple qui ne croit pas. Que tu viennes avec des versets ou que tu viennes avec des avertissements avec une personne qui ne croit pas, cela n'a pas effet. En général. Et celui qui a du bien en lui, généralement, cela le touche et peut l'amener à méditer et à réfléchir. Mais en général, souvent, on voit lorsqu'on cite des versets à des kuffars ou des avertissements, ils n'écoutent pas. Cela ne les affecte point. فالمؤمن تغني عنه الآيات والنذور وتنفعهم. Quant au croyant, les versets et les avertissements ont une influence sur lui. Cela joue sur lui. Et lui sont utiles. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تتلى عليهم يخرون الأفكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يخرون الأفكار يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, que les croyants sont seulement ceux, lorsque Allah est évoqué, que leur cœur frémisse. Et que lorsque ces versets leur sont récités, cela leur ajoute de la foi et qu'ils remettent leur confiance sur leur Seigneur. Et il dit également, dans le sens, que certes ceux qui ont eu la science d'avant lui, lorsque les versets sont récités, ils tombent, ils s'écroulent, prosternés. Et ils disent, gloire à notre Seigneur, si seulement la promesse de notre Seigneur pouvait s'accomplir. Donc ils tombent prosternés et ils pleurent, et cela leur ajoute de l'humilité. Et il dit dans le sens également, est-ce de cette parole, c'est-à-dire le Coran, que vous êtes surpris? vous en rigolez et vous n'en pleurez point, et que vous êtes absorbé par votre distraction, alors prosternez-vous pour Allah et adorez-le. Normalement, dans ce verset-là, surat al-Najm, cela fait partie des quatre versets dont la sunna est venue certifier qu'il fallait se prosterner. Cela n'est pas obligatoire, mais recommandé. Il y a, je crois, 14 endroits dans le Coran où il y a des points de prosternation, mais seulement 4 ont été affirmés comme faisant parmi les parties des actes accomplis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Celui-là en fait partie. Donc le shir poursuit en disant « Ma anzalallahu kitabah ila li tadabburihi wal amal bih » قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا لوجدوا فيه خلافا كثيرا. Donc il dit que le Coran, hein, que Allah n'a pas fait descendre son livre, ce n'est pour qu'on le médite et pour l'appliquer. Il dit dans le sens, ne médite-t-il pas sur le Coran, s'il provenait d'autre que Allah, il y aurait certes trouvé maintes divergences. Maintes divergences, contradictions, désaccords. قَوْلُهُ فَكُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مُوْعِدَةٍ مُوَدِّعِينَ فَأُسِيْنَا. Donc dans la parole, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était une exhortation d'adieu. Comme si c'était une exhortation d'adieu, alors recommande-nous. شَعَرُوا مِنَهَا أَنَّهُ كَأَنَّهُ يُوَدِّعُهُمْ وَأَنَّهُ سَيَمُوتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Donc il dit qu'ils ont ressenti en eux que c'est comme s'il allait les quitter, qu'il leur faisait ses adieux, et comme s'il allait mourir. Alayhi salatu wassalam. Qawluhu qala usikum bitaqwa Allah. Comme sa parole, lorsqu'il dit, je vous recommande la piété, la crainte d'Allah. Hein, la crainte d'Allah. Fihi tarabul wasiyati wa badhliha. Qala ta'ala wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وقال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله. Donc il dit que cela démontre que l'on peut demander d'une personne une exhortation, un sermon. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, ceux qui s'enjoignent dans la vérité et ceux qui s'enjoignent dans la patience. Et dans le fait de s'enjoindre, le fait de demander des conseils, le fait de demander exhortation. Et dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit également, nous avons certes exhorté à ceux qui ont lu le livre d'avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Hein, de craindre Allah. Et nous avons déjà cité que la taqwa, c'est un taj'ala bayna ghadabillah wa azabi wa sukhtihi wikaya. C'est le fait de mettre entre toi et la colère d'Allah et son châtiment et son courroux. De mettre quoi une protection? Cette protection, c'est quoi? C'est les œuvres pieuses. Et également, rapporté à notre définition très connue, je crois, dans le début du cours, on l'avait déjà cité dans les autres hadiths, que Mutlaq ibn Habib, il a dit quoi? Al-taqwa, an ta'mal bil wajibati ala nour, tarju, thawab Allah, wa tatruk al-manihat ala nour. C'est le fait d'accomplir les obligations. Donc là, cela enferme quoi? Les œuvres. Al-Nur, c'est-à-dire sur une lumière, sur de la science. Ça, c'est l'irtisab, le fait de rechercher la récompense, donc la sincérité. Et l'autre côté, c'est de délaisser les interdits, donc c'est aussi les actes, l'obéissance. Al-Nur, c'est-à-dire sur une science. Tarjou sawab Allah, tout en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela enferme les œuvres, la science, la sincérité. Hadi wasiyatun jamiyun mursalin wa anta hina takra al-Qur'an tara anna al-awamir wal nawahi iman yataqaddamuha amrun bit-taqwa aw yata'aqabuha amrun bit-taqwa lima fi dhalika min al-ahamiyyah. Donc il dit, ceci est une recommandation, telle est la recommandation de tous les envoyés. C'est-à-dire le verset qui a été cité, hein, que nous avons certes recommandé à ceux qui ont lu le livre d'avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Que là, c'est l'exhortation de tous les envoyés. Et toi, au moment où tu lis le Coran, tu remarques que les ordres et les interdictions sont souvent devancés par un ordre de piété, de crainte d'Allah, ou suivi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle la piété en début du verset ou à la fin du verset. Pour l'importance que cela comporte. فَالَّذِي مَعْنَهُ تَقْوَى وَمَعْنَهُ بَصِيرًا لَا يُوَفَّقُ لِلْخَيْرِ. Quant à celui qui n'a pas de taqwa et qui n'a pas de clairvoyance, celui-là, le succès ne lui est pas accordé pour le bien. قَالَ تَعَالَى وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Et Allah, dans le sens, il dit, et craignez Allah, Allah vous enseignera. Et de ce verset, on déduit quoi? Que la piété parmi les causes d'obtention de la science. Naam. وَقَالَ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Dans le sens, il dit, et que si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement et il expiera vos péchés, vos fautes. Et également dans ce verset, on voit que les causes de clairvoyance et de discernement sont la piété. C'est-à-dire une personne souvent qui commet des péchés volontairement et des fautes, hein, n'est pas amenée à pouvoir discerner entre le vrai et le faux. Et également, cela est une cause d'expiation des fautes. وَقَالَ تَعَالَى اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِي يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِي وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَقَالَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il dit, celui qui craint Allah, il lui donne une issue et il lui donne sa subsistance d'où ne s'y attend pas. وَقَالَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, il lui donne une facilité dans son affaire. Donc on voit que la piété est une solution à beaucoup de problèmes. La piété est une issue de beaucoup de problèmes. Et ça a déjà passé, inch'Allah, dans le hadith. Ittaqillah hisouma kunt. Naam. Wa qala inna karmakum indallahi atqakum. Et que le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Wa lamma su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyun nas akram qala atqakum. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé qui est le plus noble des gens, le plus noble des hommes, il dit le plus pieux d'entre vous. ينبغي للخطيب أن لا ينسى الأمر بالتقوى في كل خطبة يوصي نفسه وغيره بالتقوى الله وإذا أراد أن يوصي بغير ذلك بعد ذلك أوصى. Il dit donc qu'il revient au sermonneur, au khatib, celui qui fait des sermons, de ne pas oublier d'appeler les gens à la taqwa dans toute cette khutba, qu'il s'exhorte lui-même ainsi qu'autrui à la crainte d'Allah, et que si par la suite il veut appeler autre chose, alors qu'il le fasse. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة وفي هذه الخطبة وخطب كثيرة أوصى بتقوى الله. Et que le prophète صلى الله عليه وسلم dans cette khutba là qu'il a donné à ses compagnons, ainsi que ce qu'il a donné à Arafat, et dans beaucoup de ses sermons, il leur donnait à la crainte d'Allah. وكان كثيرا ما يوصي بتقوى الله وحتى ولو كان عاصيا صوفيا من الصوفيين أو شيعيا من الشيعيين ضلا من الضلال فاجر من الفجراء ذكره بتقوى الله عسى الله أن يجعل هذه وصية القبول في قلبه وإن لم يقبلها فما ضرك شيئا. Donc il dit que même, combien même qu'il s'agirait d'un désobéissant ou d'un soufi parmi les soufis ou d'un chiite parmi les chiites ou d'un égaré parmi les égarés ou d'un pervers parmi les pervers, hein, rappelle-lui la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il se peut que par ce rappel cela amène à ce qu'il accepte le conseil. Et que si, même s'il n'accepte pas, cela ne te nuit en rien. Hein, le rappel. Hein, il rappelle, car le rappel profite aux croyants. Dans sa parole du hadith, que je vous exhorte à l'écoute et à l'obéissance. Donc il dit, ولكن جاء في الحديث ما يبين المقصود الحديث يعني به هنا طاعة أولي الأمر لقوله وإن تأمر عليكم عبد. Donc il dit là, l'obéissance et l'écoute, cela est général. Cependant, ce hadith vient démontrer que là, il vise par quoi? Il vise là par. Qu'est-ce qu'il vise par, en cela? Il vise l'obéissance au gouverneur, au détenteur du pouvoir, comme le prend sa parole, وإن تأمر عليكم عبد. Quand bien même vous soyez sous l'autorité d'un esclave. Et pourquoi as-tu donné l'exemple de l'esclave? Des savants disent du fait, c'est un exemple extrême. Car à la base, le gouverneur, le commandeur des musulmans a des conditions. Hein? Ok, a des conditions. Il faut qu'il soit des gens de Quraysh, déjà d'une part. Il faut qu'il soit savant. Il faut qu'il soit une personne qui a une bonne politique de conduite. une bonne ligne de conduite. D'accord? Et qu'à la base, un serviteur, un esclave ne peut être, il y a ijma' comme l'a dit le shir Abdul Mohsin al-Abbad, qu'il y a ijma' qu'un serviteur ne peut être gouverneur. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? A cité l'exemple du serviteur en guide extrême pour faire comprendre que quand bien même dans la pire des situations, vous devez quand même lui obéir. Pour inciter, pour montrer l'importance de l'obéissance envers la gouverneur. Non. Donc il poursuit en disant Tasmar ou tutir fima samiata, que tu écoutes et que tu obéis dans ce que tu as entendu. Malam ya'mur bi ma'siya wa in amara bi ma'siyatin fala sama wa la tora. Et que tu l'écoutes et que tu l'obéis, toi qui n'appelles pas à une désobéissance. Et que si jamais il le faisait, c'est-à-dire qu'il se mettait à appeler à une chose, à désobéir à Allah, alors il ne faut pas l'écouter ni l'obéir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata li makhlouqin, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Wa illa fasam wa ta'atu li wuli al-amr li muslimin wajibatun. Wutiya kathir min muslimin min al-khalal fi hadha al-bab. Il dit sans quoi l'obéissance au gouverneur est une obligation et que beaucoup de muslimin ont une défaillance dans ce côté-là qui est l'obéissance au gouverneur. Il dit lam yasma'u wa lam yuti'u bal تختارسوا على ملوكهم وراء رؤساء شعوبهم على رؤساء شعوبهم وهو مسلم وأصلت الفتن والمحن والقلاقل والخلخلة بين الناس وهذه مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف رضوان الله عليهم. Donc il dit qu'aujourd'hui ils n'écoutent pas, ils n'obéissent pas, hein, même qu'ils se rebellent contre leur roi et contre les présidents de leur peuple. Alors que c'est un musulman. Et à cause de cela, qu'est-ce qu'il en résulte? Des troubles, hein, des perturbations et des problèmes en soi des gens. Et que cela est une contradiction au livre d'Allah et à la sonnette de son messager sallallahu alayhi wa sallam et au minhaj des salaf salih. Naam. Et aujourd'hui, on l'a vu, regardez bien ce qui se passe dans les pays d'islam. Ces dernières années, comme révolte, on vous le demande, quels en sont les fruits? Un exemple au Yémen, ici par exemple, quand c'était l'ancien président, c'était Ali Abdullah Saleh, qui était ici, qui tenait le pays. Il avait ce qu'il avait comme faute. Cependant, il tenait bien le pays, dans l'ensemble. Après, c'est passé quoi? Les koufars sont venus et ont commencé à monter la tête des musulmans contre leur gouverneur, en vue de sortir contre lui. Donc là, ils ont commencé irhel, irhel, qui veut dire dans le sens, yani, va-t'en ou dégage, comme on dirait. Ils ont fait leur révolution, ils ont fait leur révolte, leur soulèvement. Ils ont même essayé de le tuer en envoyant un missile sur sa mosquée, la mosquée présidentielle. Il a été brûlé. À la finale, après toutes les pressions qu'il a subies, il a laissé le pouvoir. Il a délégué le pouvoir, qui est aujourd'hui le pouvoir qui est au... Le nouveau président, c'est Mansour Abdurrabbou, comme ils disent. Son prénom, c'est comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, les mythes, ils se plaignent que depuis que le gouverneur est parti, l'ancien président, les prix sont montés. Il y a des problèmes, moins de sécurité, et ainsi de suite. On les entend, hein, tous les jours. Ils le regrettent. Du moins, on va dire, les plus intelligents regrettent aujourd'hui. Ils disent, franchement, on était mieux avant. Il y avait ce qu'il y avait comme problème, on était mieux avant. Aujourd'hui, plus de problèmes qu'autre chose. Et il y a toujours des gens, des soufaras qui n'ont pas compris, eux, qui disent, non, on a mal fait la thora, on a mal fait la révolte, il faut qu'on en fasse une, mais bien, on l'a fait bien. Eux, ils n'ont rien compris. Ceux-là, ils n'ont rien compris. Qu'il n'en découle que du mal. La santé sur le gouverneur, regardez la Libye, regardez la Tunisie. Regardez l'Égypte, regardez la Syrie, comme on dit, tous ces pays-là. Est-ce qu'ils ont tiré quelques profits? Que des problèmes. Que des problèmes, c'est une porte à un grand mal qui a été ouverte. Et cela à cause de quoi? Du mâcle des koufars derrière. C'est une parenthèse. Donc ensuite il dit Qala Ubada Bayana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-uf wa al-yusr wa al-manchat wa al-makrah. ولا أثرة علينا ولا أن لا ننازع الأمر الأمر لأهلي ولا أن نروا ولا أن تروا كفرا بواحا أنكم فيه من الله برهان. Donc il dit selon Ubada qu'il dit que nous avons porté allégeance, prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la difficulté, hein, dans la peine comme dans la facilité, dans ce qui est facile et dans ce qui est détestable, même s'il y en aurait des difficultés sur nous. Et que nous avons aussi prêté allégeance à ne pas contester le pouvoir de celui qui le détient. hein, ne pas contester le pouvoir à celui qui le détient. Hormis si nous y voyons, hein, ou vous y voyez plutôt, une mécréance claire dont vous avez une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la mécréance claire chez un gouverneur, celle-ci, est généralement déduite par les savants, les gens de science, ceux qui parlent dans ce genre de situation. Et quand bien même le gouverneur viendra tomber dans la mécréance, il a des conditions. Comme le cité Cheikh Moukbil dans son livre, Hazid Aratuna dit Akidatuna, il dit même si le gouverneur deviendra devenir mécréant, comme c'est le cas par exemple en Syrie, hein, Bachar Assad, Sanusayri, c'est un kafir. Cependant, la force est avec lui. Et que sortir contre lui amènera à quoi ? À faire couler le sang des muslimines, à faire ce qu'il y ait des conflits entre les muslimines. Donc même dans ce cas-là, on ne sort pas contre lui. Si le gouverneur même est un kafir, mais qu'il a une grosse autorité, et que cela va amener à des gros conflits, et à faire couler le sang des muslimines, cela n'est pas permis également. Vous voyez, cela n'est pas permis également. Donc attention à ceux qu'on entend qui parlent sur le gouverneur, à droite à gauche, qui n'arrêtent pas de les critiquer. Il y a un site par exemple qui s'appelle Ansarullah, ou d'autres ainsi de suite, qui n'arrêtent pas de parler sur le gouverneur, qui les rendent mécréants. Ne portez pas attention, ces gens-là sont des khawarij, sont des takfiriyoun, et ces gens-là sont des égarés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà mis un gars contre eux. Hum kilab al-nar, sont les chiens de l'enfer. Wa al-ubada muttafaqun alayhi. Wa hadith, man yuti' al-amir faqad ata'ani. Wa man yuti'ni faqad ata'a Allah. L'autre hadith qui est celui qui obéit au commandeur m'aura obéi. Et celui qui m'aura obéi, aura obéi à Allah. Et également la suite du hadith, وَمَنْ عَصَى الْإِمِيرِ فَقَدْ عَصَانِي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهِ. Et celui qui aura désobéi à l'émir, m'aura aussi désobéi. Et celui qui m'aura désobéi, aura désobéi à Allah. Et ces hadiths sont clairs. Hein, ils sont clairs. Ensuite, une portion disant, وَحَدِيثُ وَاِلٌ بْنُ حُجْرٍ وَحَدِيثُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ كَثِيرَةٌ تَأْمُرُ بِتَوْعَةِ أُولِي الْأَمْرِ وَتَأْمُرُهُ برفقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيال أئمتكم الذين تحبونهم يحبونكم وتصلون عليهم يصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبعدونهم يبعدونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. Donc il dit qu'il est obligatoire également d'être doux envers eux. Si le conseil doit leur prodiguer, à la base, cela se fait par les gens de science en privé. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les meilleurs de vos guides, c'est-à-dire vos gouverneurs, sont ceux que vous aimez, ceux qui vous aiment. Et ceux qui font votre éloge, et ceux que vous élogez. Donc vous faites l'éloge. Et les pires d'entre eux sont ceux que vous détestez, qui vous détestent. Et ceux qui vous insultent, du moins ceux que vous insultez, et ceux qui vous insultent. Et quand bien même cela serait le cas, il faut quand même leur obéir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكك عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به. Donc il dit عليه الصلاة والسلام, ou Allah, celui qui a obtenu le pouvoir sur ma communauté et qui leur complique l'existence, alors complique lui la tâche. Et que celui qui a obtenu le pouvoir sur ma communauté et qui est doux envers eux, soit doux envers lui. C'est-à-dire, facilite-lui la tâche. فَلَبُودَ مِنْ نَظَرْ فِي الْأَدِلَّةِ مِنْ كُلِ جَانِبٍ. Donc il est obligatoire de regarder les preuves de tous ses côtés. وَأَنْتَ إِنْ لَمْ تُعْتَ حَقُّكْ وَإِنْ ظُلِمْتَ فَلَا تَظْلِمْ وَإِنْ لَمْ تُعْتَ حَقُّكْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَعْرَاهُمْ. La yuhammiluka ala annaka takhruj wa annaka ta'tadi wa annaka tukaffir man lam yukaffiru kitabullahi wa rasuluhu. La yuhammiluka ala batil in zulimta. Donc il dit, que si jamais ton droit ne t'est pas rendu, alors ne sois pas injuste. Ou, je reprends. Que si jamais ton droit ne t'est pas rendu, ou que tu es lésé, alors toi ne sois pas injuste en contrepartie. Et que si jamais, quand bien même ton droit ne t'est pas donné, alors agis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien indiqué, en disant, donnez-leur leur droit, c'est-à-dire au gouverneur, et demandez à Allah le vôtre. Hein, demandez à Allah le vôtre. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, les interrogera sur leur responsabilité. C'est-à-dire que les comptes à rendre des gouverneurs ne reviennent pas au gouverné. Cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet esprit de révolutionnaire comme on a vu en France, dont la France est fière de cette révolution qu'ils ont connue, comme on l'a trouvé même sur leurs billets avant, sur les francs, qu'elle a marqué le monde, cela n'est pas un exemple à suivre. Hein, cela n'est pas un exemple à suivre, faire attention à cela. Donc s'il y a un problème avec le gouverneur, ça ne sert à rien de crier, de manifester, de taper du pied, de s'énerver. Faites des doigts, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qui vont rendre votre doigt, et tel le comportement, la ligne à suivre, pour celui qui suit, pour celui qui suit, le ménage des salaf salih. Et que cela ne te pousse pas également à ce que tu sortes contre eux, ou que tu deviennes, que tu fasses preuve d'animosité, ou que tu rendes mécréant celui qui n'a pas été rendu mécréant par le livre d'Allah, par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et que cela ne t'amène pas à faire du faux, du fait que tu étais lésé. Ensuite, il dit, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, que celui parmi vous qui vivra verra certes grand nombre de désaccords, de divergences. Donc le shir dit, وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ مِنْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ, et dans ce hadith, cela est une preuve, hein, parmi les signes de la prophétie. فَقَدْ حَصَلَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ الْاِخْتِلَافِ الْكَثِيرِ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ هَذَا الْاِخْتِلَافِ والفتنة المخرج دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا الحديث بعد أن ذكر الاختلاف قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين غدوا على بنواجذ. Donc il dit que comme cela est parmi les signes de la prophétie, pourquoi? Car ce qu'il a prédit s'est produit. Aujourd'hui on le voit que la divergence et le désaccord est présent au sein de la communauté, le grand nombre de sectes qu'il y a et de contradictions avec le livre de la sunna. Ensuite, quelle est l'issue à ce problème, à ce fitan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne dans ce hadith en disant, accrochez-vous à ma sunnah, ainsi qu'à celle des califes droit bien guidés, et mordez-y avec les molaires. Mordez-y avec les molaires. Telle est l'issue, hein, de problème. Donc il dit, Makharij kathiratun walillahi alhamd. ومن أعظمها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح والمكسوب من هذا الحديث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. Donc il dit que parmi les grandes issues, hein, que les issues aux fitanes sont très nombreuses, et la longe est à Allah, et la plus considérable, c'est le fait de s'accrocher au livre d'Allah et la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم sur la compréhension des pieux prédécesseurs. Et la vraie, pas la prétendue qu'on entend partout, qui est devenue un mot à la mode, on voit sur tous les sites, les pieux prédécesseurs, moi je suis salafi, je suis cela. On dit c'est devenu une mode, une tendance. La salafia, c'est une compréhension, c'est une croyance, c'est une aqida, c'est un menhaj, c'est un suivi, et c'est une application, surtout une application, ce n'est pas une prétention sur la langue. Et le but, l'objectif de ce hadith, c'est le fait de suivre, justement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec cette bonne compréhension, celle des salafs. Celle des salafs, qu'Allah les agrée. Ou la grande Allah sur eux. هذا الحديث دليل على فهم سلف. والله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les précédents parmi les premiers et les premiers parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, Allah les agrée et les agrée Allah. Il a un tambi, comme je l'ai déjà dit sur le forum, je crois, lorsqu'on dit radira anhu sur un sahabi, hein, lorsqu'on dit cela sur un sahabi, cela, en fait, est une chose, c'est un irbar. C'est, on informe que Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà agréé. Hein, car Allah dans son livre l'a déjà informé qu'il a déjà agréé les sahaba. Vous voyez? Donc, le fait là, on informe d'une chose qui a déjà été réalisée. On yakoulou, وَمَنْ يُجُكَ كِي رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Et celui qui fait scission avec le messager, d'après que là, guidé lui soit venu, et qui suit un chemin autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné. Cela aussi parmi les preuves du suivi, hein, des premiers de cette communauté. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ سَلَمْ خَيْرُ النَّاسِ كَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Donc il dit le meilleur des siècles, c'est le mien. Ensuite celui qui suit, ensuite celui qui suit. فَأَثْنَى عَلَى ثَلَاثِ الْقُرُونِ وقال ربنا سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de ces trois siècles Car aujourd'hui, les gens disent, je ne sais plus qui suivre. On entend souvent, je ne sais plus la vérité. Il y a les salafis, il y a les tabliris, il y a les soufis, il y a les khouani, ainsi de suite, toutes ces sectes. Les gens disent, je suis perdu. Où est la vérité? La vérité, elle est là, elle est indiquée ici dans ce texte-là, auquel il faut revenir. Reviens à la compréhension des gens dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge dans son livre, et ceux dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge. Suis ces gens-là. Là, tu as une garantie. Tu as une révélation qui te garantit que ces gens-là étaient sur la droiture et que Allah les agrée. Ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi les suivre à nouveau? On ne sait pas d'où il vient et quelle est son idéologie. Toi, reviens au premier. Les choses anciennes sont les meilleures et les plus proches de la réalité. Même chez les koufars, c'est une chose qui est acquise. Que chez les anciens, hein, la réalité est meilleure. Les choses sont plus proches de la réalité. ولا تصلح أحوال الناس ويخرجون ولا تصلح أحوال الناس ويخرجون من الفتن إلا بكتاب الله وصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله عليهم. Donc il dit que les situations des gens ne pourront s'améliorer que et qu'ils ne sortiront des fitan qu'en suivant le livre d'Allah et la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم avec la compréhension des pieux prédécesseurs. L'agrément d'Allah est sur eux. Wa le khulafa rachidun hum arba'a. Et que les califes bien guidés sont quatre. Abu Bakr, Omar, Othman, wa Ali. Radiallahu anhum ajma'in. Ha'oulai hum le khulafa rachidun et mahdiyun. Tartibuhum ala hadha tartib. Tartibuhum ala hadha tartib. Faman shakka fi khilafati wahidin minhum ou ankaraha fahuwa adallu min himar. Donc il dit que les quatre califes bien guidés sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Hein? Que ce sont eux les califes bien guidés et droits. Et que tel est l'ordre à suivre. Abu Bakr en premier, Omar en deuxième, Othman en troisième et Ali en quatrième. Et que celui qui doute de leur califat ou qui le conteste, celui-là est encore plus égaré qu'un âne domestique. Qu'un âne domestique. Car l'âne a été considéré comme étant l'animal le plus stupide. Hein, le plus stupide. وَبَعْدُهُمْ أَدْخَلَ عُمَرْ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَهُوَ خَلِيفَةُ وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ خُرَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُعَيِّنِينَ فِي الْحَدِيثِ. Et des gens ont rentré, Omar ibn Abdel Aziz, parmi les khalifas. Cependant, lui ne fait pas partie des quatre califes bien guidés cités dans ce hadith. D'ailleurs, là, il y a un tambih à faire qui a été fait par Cheikh Saleh al-Shir dans son explication du hadith, justement, qui dit qu'il y a une erreur que, quand bien même beaucoup sont tombés dedans, je crois moi-même, je l'ai déjà dit dans l'année de cours auparavant, là, j'ai pris la faïda en lisant le char, qu'il dit qu'en fait, il ne faut pas le nommer cinquième calife. Qu'il ne faut pas le nommer cinquième calife, que cette appellation n'est pas correcte. Qu'en réalité, ce serait Muawiyah qui serait plus en droit d'être nommé de la sorte. Car Muawiyah, c'était un sahabi. Donc il est d'un plus grand statut que Omar ibn Abdel Aziz. Bien que Muawiyah était un roi, et pas un calife, cependant cette appellation, ou que son statut est plus haut que celui de Omar ibn Abdel Aziz. Donc l'appeler cinquième calife, il dit que ça c'est une chose qui n'est pas légitime. N'est pas une chose qui lui revient de droit. Bien qu'on fait son éloge, c'était un grand calife, qui était sur la droiture, c'était un savant, et il était sur la bonne aqida, sur le bon menhaj. Cependant, cette appellation, Muawiyah aurait été en plus en droit de la recevoir, et comme il ne l'a pas reçue, alors ne pas lui donner à lui non plus. Tamam. Attendez, donc le chien là, poursuit en disant, je me suis arrêté haut. Attendez. Comme dans le hadith, « Safina marfou'an, khilafat al-nubuwa thalathuna aaman, wa kanat khilafat Abu Bakr Siddiq nahu sanatayn, wa khilafat Omar nahu 20 10 سنين وخلافة عثمان نحو 12 سنة وخلافة علي 6 سنين هذه 30 سنة فبعد ذلك ملوك غدور فعلم أن عمر ابن عبد العزيز إنما هو خليفة فاضل من الخلفاء المسلمين من خلفاء المسلمين وليس من خلافة النبوة. Donc dans le hadith de Safina remonte au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qui dit que le calife prophétique durera 30 ans. Donc la durée du califat de Abu Bakr était d'à peu près 2 ans. Celui de Omar, à peu près 10 ans. Celui de Othman, à peu près 12 ans. Et celui de Ali, à peu près 6 ans. Donc cela revient approximativement à 30 ans. Et qu'après cela, viendront des rois. Et que, donc on a su que Omar, Ibn Abdul Aziz, a été un calife de mérite, de vertu, parmi les califes des musulmans. Cependant, il ne rentre pas dans le califat prophétique, dans ce hadith. Kouluhu, raddu alayha bin awajiz, mordez-y avec les molaires. Kouale el ul'in, fi hadha al-hadith, noktatun. Wa ya anna, annahu ma kouale, raddu alayha bil sanayat, ou raddu alayha bil ruba'iyat. Fainnama, fainnaha idha suhibat, ربما تطلع ثنايا معها فإنما أمر بالغد بالنواجذ من حيث أنا أثبت وأقوى وأن الشدة على الحق محمودة ويشد ويثبت عليه أما الشدة على الباطل فمذمومة فليحذر الغلو فهو مذموم ونسأل الله العافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أترأت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Donc il dit, mordez-y avec les molaires. Que les gens de science ont fait un tambih par rapport à ce hadith, qui est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, mordez-y avec les dents de devant. Je ne sais pas comment on les appelle, les dents de devant là. Ni avec les canines, les crocs, ceux qui suivent les dents de devant. Pourquoi? Car si jamais tu tires ces dents-là, les dents de devant, elles peuvent partir. Elles ne sont pas solides comme les molaires. Dans le hadith, il a dit, mordez-y avec les molaires, car les molaires ont plus de force, sont les dents les plus solides, sont le plus de force, le plus de fermeté, et là où il y a le plus de pression lorsqu'on mord, c'est que les molaires. Donc cela démontre la fermeté à avoir sur la vérité. Hein? La fermeté à avoir sur la vérité, et que cela est louable. De s'accrocher à la vérité et d'y rester ferme. Quant à la fermeté sur le faux, cela est blâmable. Alors de prendre garde à l'exagération, au relou. Hein? Que cela, en religion, réprimandé. Nous demandons à Allah la prémunité. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'exagérez pas en ma personne, la itra'a yutri'u, c'est le fait d'exagérer dans l'éloge. C'est pas l'exagérer tout court, c'est le fait d'exagérer dans l'éloge. De mettre une personne haute que son niveau. Donc il dit, n'exagérez pas dans ma personne par l'éloge, comme l'ont fait Nasara avec Isa ibn Maryam. Je suis simplement un serviteur. Donc dites, serviteur d'Allah et son messager. Et également aujourd'hui, on le voit ça aussi chez des gens qui s'appartiennent à la salafia, soi-disant, ils ont un itra sur des savants ou des personnalités, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont mis une personne à un niveau que sa parole n'est pas possible qu'elle soit rejetée. Quoi qu'il dise, il a raison. Et même s'il a tort, on ne dit rien. Et cela rentre dans ce hadith. C'est l'itra. Taïeb, le fait de faire de l'exagération dans l'éloge d'une personne. Comme apporter des grands surnoms, un tel, à des gens qui ne méritent pas. Et même si ces gens-là ont de la vertu, ne pas les mettre plus haut que leur niveau. Et ça, c'est un conseil que je donne aussi aux frères en France quand il y a un prédicateur qui vient ou quoi. Souvent, ces gens-là sont amenés à être égarés et à sortir du chemin droit à cause justement de l'itra, les éloges, l'exagération que les gens ont en sa personne. Une personne vient, par exemple, il a étudié, il rentre en France. Et commence à faire da'wa. Il sort quelques fois au Haïd, il parle un peu en langue arabe, ça, les gens le mettent à un niveau, c'est incroyable. Il a trop de science, il est incroyable, il a bon comportement, ce serait, il est droit, il a plein de tesquia, il a ceci, il a cela. Ça amène à quoi? À ce que la personne puisse justement savoir dans son cœur et se voir plus haut que son niveau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà mis en garde le fait de faire trop d'éloges sur les gens. Hein? Que le fait de faire l'éloge sur les gens, cela peut les amener à quoi? À leur casser le dos. Comme cela est venu dans des hadiths, que l'éloge des gens, il ne faut pas faire. Des fois, cela est permis. Il faut le faire. Mais la base, c'est qu'il faut éviter de faire l'éloge des gens. Éviter de faire l'éloge des gens, car cela les amène à quoi? Déjà, tu ne connais pas vraiment, tu ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, ça m'en sait. Voilà, tout zakoun fusakoum. Wallahu alamu bimani taqa. Hein? Que ne vous faites pas votre propre éloge. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut savoir de qui il craint. L'éloge envers les gens peut les amener, comme je vous l'ai dit, à ce qu'ils fassent preuve d'orgueil par la suite, car les gens les ont gonflés. Donc attention à cela, mettre les gens à leur niveau, de bien mettre les gens à leur niveau. Qawluhu wa iyyakum wa muhdathatil umur. Donc il a dit quoi? Prenez garde aux choses nouvelles. Prenez garde aux choses nouvelles, ce qui revient à quoi? À mettre en garde contre les innovations. Fakul bidatin dalala, car toute innovation est égarement. Donc là, on voit bien le mot « toute innovation » est également. Il n'y a pas de bonne innovation, ni de mauvaise. Que les gens qui prennent le hadith, la parole de Omar, lorsqu'il dit « Ni'mat al-bid'a hiya, en parlant du tarawih, que là il parle de quoi la bid'a? Lughatan, littéralement parlant. Et Inch'Allah, j'en ai déjà parlé dans l'audio sur les Ahbesh, sur la PBIF, donc celui qui veut revenir, qu'il y a Inch'Allah. Il y a un tafsil par rapport au bid'a. Donc le Shia, lui, il voit également ici par rapport au hadith, dans le fait de suivre la sunna des califs bien guidés. Qu'est-ce qu'il dit le Shia? Il dit Istadallu bi'ad al-hadith al-adhan al-awwal al-jumu'ah. وأنه من سنة الخلفاء الراشدين وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث رد على من على هذا القول في قوله إياكم ومضافة الأمور فقد نكر ابن رجب رحمه الله تعالى إجماع العلماء في فتح الباري على أن الأذان الأول للجمعة محدث وهذا من محدثات الأمور محدثات الأمور وهذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه وهو مأجور على ذلك وهو من المبشرين بالجنة ومن صرف من كان يصريح بأنه بدعة ومن السلف عفوا طيب ومن السلف من كان يصريح بأنه بدعة فكيف يقال أن الذي ما يرى الأذن الأول أنه مبتدع فممن قال أنه بدعة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عنه هذا القول في المصنف ابن أبي شيبة وغيره. Donc il dit que les gens ont pris ce hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de suivre la sunna des califs bien guidés, qu'ils ont pris ce hadith comme preuve pour pouvoir légiférer le premier adhan du Jumu'ah, du vendredi. Le sujet, vous le connaissez très bien. Ça a fait une grande fitna, que le shir a été lésé, qu'il a été opprimé en cela, hein, qu'il a subi beaucoup d'injustice du fait que lui voit que l'adhan, le premier adhan de Jumu'ah est une bid'a. Également, le tafsir par rapport à ce adhan, inshallah. Plein de réfutations ont été écrites sur le site pour celui qui veut savoir. Qu'en est-il? Qu'il retombe. Pour ne pas avoir non plus encore à allonger le cours. Donc il dit le shir, Khayl al-Hadi, Hadi Muhammad. La meilleure des guidées, la guidée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce hadith lui-même, qu'il y a une réplique à ceux qui voient que ce adhan est légiféré, et lorsqu'il dit, Wa iyyakum wa muhdathatil umur, et prenez garde aux choses nouvelles. Et que Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a déjà rapporté l'unanimité des savants dans Fath al-Bari, que l'adhan awal est une chose nouvelle. Donc attention, chose nouvelle, lorsqu'on dit chose nouvelle, des fois des gens voient le mot mordef, n'appuie pas forcément sur lui la bid'a, ce qui est en religion. D'accord? Car Ibn Rajab, par exemple, lui, Ibn Rajab, rapporte cet ijmar dans Fath al-Bari, cependant lui, il voit que l'adhan awal est légiféré. Mais il sait, il dit clairement que c'est une chose nouvelle, c'est-à-dire une chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite. Donc il dit que cela est une chose nouvelle. Hein? Ce hadith, ce adhan est une chose nouvelle. Et dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein? Après avoir cité le muhdath, il dit Kullu bid'atin dalala. Qu'il enchaîne que le muhdath ensuite vient à la bid'a et que la bid'a est également. Donc le shir dit que ce adhan, c'est un ijtihad de Othman, radiallahu anhu, et qu'il est récompensé en cela. Comme a déjà fait le hadith, Iza hakam al-hakim. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد. Donc si la main le juge fait un ijtihad, d'accord, un ijtihad, et quelqu'un qui mérite l'ijtihad, pas n'importe qui, et qu'il atteint la vérité, alors il a deux récompenses. S'il se trompe, il n'en a qu'une seule. Et ça, c'est le hakim qui lui cherche la vérité. Pas le hakim qui juge avec ses passions, avec sa tête. Il juge avec ce qu'il voit comme étant juste et profitable pour la communauté. Donc il dit que Othman est récompensé sur cela, et qu'il est parmi ceux qui ont été annoncés comme étant parmi les gens du paradis. Hein? Et que parmi les salafs, des gens ont clairement dit que ce adhan est une bid'a. Donc comment dire que celui qui ne voit pas que ce adhan est légiféré, comment dire que c'est un moutadir? Car des gens, eux, veulent imposer le fait que celui qui ne voit pas que l'adhan est awel, c'est une bid'a, ils disent que c'est un moutadir. Comment? Alors que même des salafs l'ont dit. Donc, au minimum, on dirait que la masala, il y a un khilaf dedans, bien que le sujet paraît clair. Hein, mais on ne peut pas aller attaquer le deuxième parti pour un avis pris. Par exemple, il y a des gens, on les connaît, qui disent que l'azen, qu'on voulait attaquer Shariahia par rapport à ce azen al-awel, qui disent qu'il y a ijmar de la communauté, qu'il est légiféré, que c'est une sunna, ainsi de suite. Eux-mêmes, dans leur mosquée, ils ne le font même pas. Donc c'est ijmar, que c'est une sunna, pourquoi tu ne le fais pas? Plusieurs parmi eux, qui sont en Angleterre, qu'ils soient au Yémen ou je ne sais où, parmi ceux qui parlent, qui ont osé cracher leur venin sur Shariahia, car leur but en cela, c'est pas défendre l'adhan awel, Car cette masala, ce sujet, il est long. Ça fait longtemps qu'il existe. Ils n'en ont jamais parlé. Juste là, ils cherchent à trouver des choses contre lui. Donc eux-mêmes, ces gens-là qui le critiquent pour ça, eux-mêmes, le Hazan al-Awad, ils ne le font pas dans leur masjid. Ils ne le font pas. Au Feyouch, à Aden, ils ne le font pas. À Shir, quand j'y étais, Shir de la Mal'il, le frère d'Abdallah al-Ardani, ils ne le font pas. Eux-mêmes, c'est une sunna avec Ijmar de la Oumma, pourquoi ils ne le font pas? Ils ne l'appliquent pas. Ça, c'est vraiment surprenant et c'est complètement contradictoire. Ce qui démontre que ces gens-là suivent leur passion. Non. Donc, comme le Shir dit, que des gens parmi les salafs ont dit clairement que c'est une bid'a, et parmi eux, Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar. Donc, à partir du moment où un sahabi a parlé, il n'y a pas d'ijmar. S'il y a un seul à contester, il n'y a pas d'ijmar. L'ijmar, c'est quoi? C'est que tout le monde est d'accord. Et quand bien même tout ce n'est pas parlé, il y en a au moins un qui s'est exprimé, qui a contesté, il n'y a pas d'ijmar. Ce n'est pas vrai. Et ceux qui ont vu l'ijmar, soit se sont trompés parmi les savants qui ont fait un ijtihad, ou d'autres qui veulent faire croire qu'il y a d'ijmar juste pour quoi? Pour pouvoir blâmer Cheikh Yahya. C'est tout. Mais ça serait bien qu'au fond, il n'y a pas d'ijmar. Donc il dit que cette parole de Abdullah ibn Omar a été rapportée par Ibn Abi Shayba dans son livre Al-Musannif et autres que lui. Donc de là s'achève justement le charme de ce hadith, dont les points principaux étaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'exhorter ses compagnons, et que ce jour-là, il leur fit une exhortation qui était éloquente et touchante, au point qu'ils en pleurèrent, et que leur cœur se mit à frémir, qu'il les exhorta à obéir et écouter les gouverneurs, quels qu'ils soient, quand bien même cela serait un serviteur. Dans une version, c'est même venu Abdul Habashi, c'est-à-dire un serviteur éthiopien, également, il les a appelés à s'accrocher à sa sunna, et celle des califs bien guidés. Et suivre la sunna des califs bien guidés, c'est-à-dire suivre la sunna qui, elle, est en concordance avec celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car les califs bien guidés eux-mêmes sont des hommes qui ne sont pas infaillibles et parfois peuvent faire des ijtihadat qu'on n'est pas obligé de suivre. Et plusieurs exemples ont été cités, que parmi Omar, qui, à base, Omar était peut-être celui sur lequel Nabi sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis la vérité sur sa langue. Cependant, Omar a déjà fait des ijtihadat, il n'a pas entendu la vérité. Ali, pareil. Othman, pareil. Donc on ne peut pas dire que suivre leur sunna, dans l'absolu, cela est une chose qui fait partie de la sunna. Non. Une sunna qui coordonne avec celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et également que ce hadith est une preuve du suivi du minhaj des salafs.